Eh bien, bonjour à tous et bienvenue encore une fois dans l'étude de la parole de Dieu. Bienvenue dans l'Épître aux Romains. Si vous voulez bien, nous allons commencer immédiatement. Vous savez, il y a une multitude de personnes sur la planète qui disent servir Dieu. Et les gens ont de nombreuses raisons pour servir le Seigneur. Il y a ceux qui servent le Seigneur à cause du légalisme. C'est-à-dire qu'ils servent le Seigneur parce qu'ils pensent que c'est ce que Dieu demande pour qu'ils entrent dans son royaume. Il y a même des sectes qui enseignent, que si vous ne faites pas quelques années en mission, si vous ne passez pas quelques années en mission, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. Il y a des gens qui servent le Seigneur strictement parce qu'ils se sentent tenus de le faire et ils pensent que Dieu va leur donner du fil à retordre s'ils ne le font pas. Il y a des gens qui servent le Seigneur pour le prestige. Ils veulent se faire une réputation. Ils veulent être appréciés des autres. Ils veulent être au-dessus des autres hommes. Ils veulent peut-être un poste de direction. Ils jouent le rôle de Déotrophe, qui aimait être le premier, dans la troisième lettre de Jean, versets 9 à 11. Déotrophe qui aimait être le premier. Ces gens-là font comme ça. Il y a des gens qui servent le Seigneur parce qu'ils veulent passer pour comme justes. Ils veulent que les gens les regardent comme des gens justes. Ils veulent être considérés comme des saints, comme des hommes de Dieu en tant que religieux. Il y a ceux qui servent le Seigneur à cause de la pression des autres, à cause de la pression de leur père, des autres chrétiens peut-être, ou des amis, ou de leur famille. Tout le monde le fait, donc ils doivent le faire. Ils doivent embarquer dans le train. Et s'ils ne le font pas, ils vont être rejetés peut-être par le reste du groupe. Ils ne seront pas acceptés par ce dernier. Il y a certaines personnes qui servent le Seigneur parce qu'ils ont été obligés de le faire par quelqu'un d'autre. Peut-être que leurs parents les ont intimidés dans leur jeunesse à servir dans l'Église. Et ils sont encore liés, peut-être ils servent dans l'Église, mais liés par cette pression du passé. Vous pouvez servir le Seigneur pour toutes sortes de raisons. Et je pourrais ajouter, d'après ce que je viens de dire, toutes sortes de mauvais motifs, de mauvaises raisons. On peut servir pour notre ego, par peur, à cause du légalisme, à cause de l'intimidation et à cause d'une multitude d'autres raisons. Mais aucun de ces services n'est vraiment spirituel. Parce que tout est extérieur, tout se passe à l'extérieur. Je pourrais ajouter qu'il y a des gens qui servent le Seigneur à cause de l'argent, croyez-le ou pas, à cause de l'argent. Ils le font à cause de l'amour, du luxe. De nos jours, Jésus est une denrée qui vend, si vous n'aviez pas remarqué. Vous n'avez qu'à tourner dans les canaux américains aux États-Unis et pour voir combien il y a de « preachers » et combien ils sollicitent votre argent. Jésus est une denrée qui vend de nos jours, malheureusement. Mais tous ces gens qui disent servir le Seigneur démontrent un type de service externe, comme je le mentionnais, extérieur. Ça ne vient pas d'ici. On pourrait appeler ça servir dans la chair, pour des raisons externes. Et ce que je veux vous partager aujourd'hui, c'est quelque chose de très différent. Dans Romains chapitre 1, les versets 8 à 15, c'est quelque chose que Paul nous enseigne aujourd'hui, c'est le vrai service spirituel. Le vrai service spirituel. Nous, les croyants qui servons, nous pouvons nous retrouver aussi à servir pour des mauvais motifs, pour les motifs qui ont été donnés précédemment. On peut se retrouver entraîné dans d'autres types de services qui ne sont pas les bons. Et il y en a bien d'autres aussi, je disais. On peut servir le Seigneur pour toutes sortes de raisons. Et il y a des moments dans ma vie, par exemple, où j'ai enseigné parce que je devais enseigner. Et ça devient mécanique, je dois le faire. Parce que si je ne le fais pas, l'Église va venir, les croyants vont venir à l'Église, où nous allons adorer le Seigneur, et ensuite, on va retourner à la maison. Et avec ça, j'ai un petit peu de difficulté de laisser les croyants partir sans nourriture, sans la parole de Dieu, sans un morceau de pain. Et puis, il y avoir des moments où vous, peut-être, avez enseigné un groupe de personnes, une classe de l'école du dimanche, une classe de dames, une classe des hommes, une personne peut-être, où vous pensiez que si vous ne le faites pas, vous n'allez pas faire partie du groupe. Donc, vous le faites. Vous avez peut-être servi dans un domaine où personne d'autre ne le fait, que si personne d'autre ne le fait, bien, il n'y en aura pas dont vous dites « je vais le faire, il n'y a personne d'autre ». Vous pouvez servir parfois pour que les gens pensent que vous êtes spirituel. Vous pouvez le faire parfois pour avoir le leadership que vous avez toujours voulu ou pour être sur le leadership. Chacun d'entre nous, nous luttons contre ces mauvais motifs lorsque nous servons le Seigneur. Et lorsqu'on regarde à l'apôtre Paul, dans l'Épître aux Romains, chapitre 1, versets 8 à 15, je pense que Paul nous donne un aperçu des bons motifs pour le servir, pour servir le Seigneur. Et ma prière ce matin, c'est que le Seigneur grave en nos cœurs la perspective du vrai service spirituel. Nous allons procéder à la lecture de Romains, chapitre 1, versets 8 à 15. Je rends d'abord grâce à mon Dieu par Jésus-Christ au sujet de vous tous, de ce que votre foi est renommée dans le monde entier. Dieu que je sers à mon esprit dans l'Évangile de son Fils, m'est témoin que je fais sans cesse mention de vous, demandant continuellement dans mes prières d'avoir enfin, par sa volonté, le bonheur d'aller vers vous. Car je désire vous voir pour vous communiquer quelques dons spirituels, afin que vous soyez affermis, ou plutôt, afin que nous soyons encouragés ensemble au milieu de vous par la foi qui nous est commune à vous et à moi. Je ne veux pas vous laisser ignorer, frères, que j'ai souvent formé le projet d'aller vous voir, afin de recueillir quelques fruits parmi vous, comme parmi les autres nations, mais j'en ai été empêché jusqu'ici. Je me dois aux Grecs et aux barbares, aux savants et aux ignorants. Ainsi, j'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'Évangile à vous qui êtes à Rome. » Il y a plus de 1900 ans que ce merveilleux passage a été écrit. Et pourtant, il est encore très chaleureux. Paul n'avait jamais rencontré cette Église. Et pourtant, on peut presque sentir le cœur de Paul battre pour cette Église de Rome. Il ne l'a pas fondée, cette Église. Il n'avait jamais rencontré les membres, les gens là-bas, peut-être quelques-uns qu'il pouvait connaître ici et là, mais l'Église en tant que telle ne l'avait jamais connue. Et ce n'était pas son genre de bâtir sur le fondement de quelqu'un d'autre, comme il le dit dans Romains chapitre 16. Donc, ce fut une passion très inhabituelle pour lui de s'attacher à cette Église-là. Dans ce passage, Paul nous ouvre son cœur et nous ouvre une fenêtre sur son intimité. Il y a quelque chose de très tendre à l'intérieur de Paul dans cette lettre. Quelque chose de très sensible, de très doux, de très chaleureux, comme je disais, de gentil. Pourtant, Paul avait le zèle d'un prophète. Il avait l'esprit d'un enseignant. Il avait la détermination d'un apôtre, mais il avait aussi le cœur d'un berger. Et c'est ce que nous voyons dans ces versets, dans les versets que je viens de lire, le cœur d'un berger. Paul n'était pas un prédicateur payé avec une facture à la place du cœur. Ce n'était pas un prédicateur avec un sac de vieux sermons à la place de la passion. Il était un berger à part entière. Paul veut ouvrir son cœur. Et c'est très important pour lui de le faire parce qu'à Rome, personne ne le connaît vraiment. Et peut-être que la question se pose à Rome au sujet de la lettre qu'ils ont reçue de lui, à propos de Paul, de ce personnage, de l'apôtre Paul. Peut-être que la question se pose, pourquoi cet homme que nous ne connaissons pas nous a-t-il écrit cette si longue lettre? Et deuxièmement, la question peut-être qui se pose, c'est, ce grand apôtre des gentils envers les non-croyants, les gentils, les païens, pourquoi n'est-il pas venu dans notre ville jusqu'à présent? La grande ville de Rome, ne s'intéresse-t-il pas à nous? Et je pense que Paul, oui, veut répondre à ces deux questions. Pourquoi il leur écrit? Quelle est la raison qu'il leur écrit? Et pourquoi jusqu'à présent il n'est pas allé à Rome? Et la réponse est très simple. S'ils leur écrivent, c'est parce qu'ils se soucient de leur maturité spirituelle. Et il n'est pas venu jusqu'à présent parce que, même s'il le désirait désespérément, Dieu ne l'a pas permis. Mais il doit leur dire ça dans sa lettre lorsqu'il leur écrit. Il doit leur dire afin qu'ils comprennent. Les Romains ne l'avaient jamais rencontré. Et la seule façon qu'ils pouvaient obtenir un aperçu de son cœur était s'il leur ouvrait son cœur, justement. Donc, nous avons ici, dans les versets 8 à 15, Paul qui ouvre son cœur afin de révéler le caractère de son service pour Dieu. C'est un merveilleux passage. Et nous voyons un aperçu de l'esprit de Paul, du cœur de Paul, derrière le théologien, derrière l'intellectuel. Et la clé de notre passage de ce matin, nous allons voir, c'est le verset 9. « Dieu, que je sers en mon esprit dans l'évangile de son Fils, que je sers en mon esprit. » Ce que nous devons comprendre ici, c'est que Paul a été élevé dans le judaïsme. Il connaissait les pharisiens, il connaissait les sadducéens, il connaissait les grands prêtres et les anciens. Il savait ce qu'était l'externalisme extérieur, le bien paraître, faire les choses pour les yeux. Il savait que le service de ces gens-là, pour la plupart, était mécanique. Tellement d'activités, toutes sortes de formalités, de routines, de liturgies. Ces gens servaient avec la chair et dans la chair. Ils servaient avec leur corps de manière externe, de façon superficielle. Et Paul a également grandi dans un monde païen, bien entendu. Il savait comment les prêtres païens servaient leur Dieu. Ils servaient à l'extérieur de peur que leur Dieu ne les écrase, mette le pied sur eux et ne les écrase, ou s'ils ne les servaient pas, que leur Dieu allait amener le malheur sur leur ville ou sur le pays. C'était leur motif pour servir leur Dieu. Donc, toute cette démonstration, toute cette comédie n'avait aucune profondeur et était superficielle la plupart du temps, majoritairement. Paul avait vu tellement de religiosité dans sa vie. Il avait vu tellement de fausseté, de comédiens qui fonctionnaient au nom de la religion. Peut-être en avez-vous connu aujourd'hui, de nos jours, dans votre vie. Et il résume son approche globale dans cette déclaration, « Dieu que je sers en mon esprit ». Et je crois que ce qu'il dit, c'est que mon service vient du plus profond de moi. Il vient de l'intérieur et non pas de l'extérieur comme les autres. Lorsque je sers Paul dans l'évangile, lorsque je sers Dieu dans l'évangile de son Fils, je le sers avec mon esprit. En d'autres termes, mon homme intérieur, ce qui me pousse, c'est ce qui me motive. Ce qui me motive, ce n'est pas les gens, ce n'est pas ce que les gens pensent. Ce n'est pas le salaire que je peux recevoir qui me motive. Ce n'est pas la pression des autres croyants. C'est dans mon cœur, c'est dans mon esprit d'agir ainsi. La meilleure façon de voir cette phrase, « Dieu que je sers en mon esprit », c'est peut-être comme une affirmation que tout son être, tout son cœur, toute son âme, tout son esprit tout entier était dans le service pour Dieu. « Dieu que je sers en mon esprit ». Ce qu'il dit, c'est « Je ne suis pas hypocrite, je ne suis pas un comédien, je suis sincère, je suis véritable, frères et sœurs. » Pour moi, ce n'est pas du tout un effort de servir le Seigneur. Et dans cette phrase, « Dieu que je sers à mon esprit », il y a une allusion au Saint-Esprit qui est irrésistible. C'est-à-dire que le Saint-Esprit est celui qui agit en arrière-plan dans la vie du croyant et dans la vie de Paul. Et il dit « Je sers à mon esprit », mais son esprit avait depuis longtemps été excité, été régénéré par l'Esprit de Dieu. Du fait, et maintenant, ce qui est en train de dire, c'est que mon service est véritable. Et le mot « servir », hein, « Dieu que je sers à mon esprit », le mot « servir » en grec est traduit par « latruo », »,« latruo ». Est utilisé dans le Nouveau Testament, le mot « servir » ici, ce mot exactement-là, est utilisé dans le Nouveau Testament seulement pour le service religieux, le service de Dieu. En fait, deux fois, aussi, il est utilisé pour le service des idoles, aux idoles, mais toujours pour le service religieux. Et il est traduit, le mot servir ici, le mot latreo, il est servi, il est traduit soit par servir ou soit par culte. Donc, dans le Nouveau Testament, le mot latreo est traduit par servir ou par culte. Et quand on pense au culte, on pense souvent à des choses extérieures. Hein? La louange, on bouge, on chante, on prie, on dit des choses, on pense peut-être à l'environnement autour de nous. Et pourtant, ce mot culte-là, le truau, est traduit aussi par service. Et le plus grand culte, autrement dit, que vous pouvez... ou acte d'adoration que vous pouvez rendre à Dieu, c'est de le servir. Un culte, c'est un acte d'adoration. C'est lorsque je viens adorer le Seigneur. Le plus grand culte ou acte d'adoration que vous pouvez rendre à Dieu, c'est de le servir. Paul dit, je sers Dieu en mon esprit. Pour Paul, ça signifiait un engagement total, ça. Regardez avec moi, Romains chapitre 12, verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Quelle grande phrase! Offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Ça signifie être toujours prêt à mourir pour le Seigneur. On lui a offert notre vie, nos corps lui appartiennent. C'est la profondeur de l'engagement. C'était son service, son culte à Dieu, son culte d'adoration. Il adorait en servant le Seigneur, en son esprit. Paul dit, je sers en mon esprit tout entier. Mais comment est-ce que tu fais, Paul? Comment est-ce que tu fais ça? Eh bien, en présentant, on l'a vu, mon corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Et le verset 2 de Romains 12, ici, nous dit, en ne se conformant pas au siècle présent, mais en étant transformé par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. En d'autres termes, votre corps, comment est-ce que tu fais ça pour servir à ton esprit? Ton corps est présenté comme un sacrifice. Ton âme ne se conforme pas au monde, au siècle présent. Ton esprit est transformé. Chaque partie de toi, chaque partie de lui appartient à Dieu. C'est ça le vrai service spirituel, servir Dieu en son esprit, service spirituel. C'est la façon dont Paul servait avec tout ce qu'il avait. Dans Philippiens chapitre 3, verset 3, il utilise les mêmes termes, il dit « Car les circoncis, c'est nous, qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu. » Tantôt, il y avait une allusion quelque part en arrière-plan, je disais « Le Saint-Esprit agit ». Et là, il met en premier plan, il dit, « Nous rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu. » C'est lui qui agit en nous. C'est lui qui fait en sorte qu'on sert le Seigneur, qu'on a ce désir en nous et qu'on a la capacité de le faire. Ce que Paul dit, c'est que je ne suis pas externe. Nous ne sommes pas externes. Nous rendons un culte pour servir le Seigneur. C'est le service spirituel, le culte spirituel. Dans Acte 27, je ne sais pas si vous vous rappelez de ça, j'aime ce que Paul dit lorsqu'il est sur son navire et son navire part à la dérive. Il a quitté la côte, il avait dit au capitaine, je vois que la navigation ne sera pas facile, on devrait rester. Et finalement, le capitaine, avec ses officiers, a décidé de partir. Et ça dit, il y a eu un bon vent, ça s'est bien passé, et ce que croyaient maître de leur destin. Et finalement, il y a une tempête, et ça dit que ça va pas bien, et qu'ils ont sérieusement pensé mourir. Et à un moment donné, Paul, au verset 22-23, va dire, « Écoutez, tout va bien se passer, un ange m'est apparu. Tout va bien se passer, un ange m'est apparu. » Verset 25 de Acte 27, il dit, « J'ai cette confiance en Dieu. » J'ai cette confiance en Dieu. Et acte 27, verset 23, quelques versets, il nous parle justement de l'apparition de l'ange. « Un ange de Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu. » Un ange de Dieu m'est apparu, et voici la phrase que je veux qu'on retienne ici. « À qui j'appartiens et que je sers. » J'appartiens à Dieu et je sers mon Dieu. Le service de Paul était un acte d'adoration, un culte. Le service de Paul était profond, était sincère, était honnête. Voilà ce qu'est le vrai service spirituel. Ça vient du plus profond. C'est un engagement total. Ce n'est pas externe, ça provient de l'intérieur. Et oui, ça se répercute extérieurement. C'est la seule et bonne manière de servir le Seigneur. Il n'y a pas d'autre moyen pour servir le Seigneur que d'un engagement total, que par un engagement total. Mais qu'est-ce que cela implique pour nous maintenant? Si nous voulons servir de la bonne façon, avec les bons motifs, qu'est-ce que ça implique pour nous? Quels sont les ingrédients d'un bon service spirituel? De servir Dieu en son esprit, avec son esprit comme Paul. Permettez-moi de vous donner un test aujourd'hui. Nous allons commencer aujourd'hui, nous allons terminer plus tard, une autre fois. Donc, quelles sont les marques du vrai service spirituel? C'est ma question. Comment puis-je savoir si je sers Dieu en mon esprit? Première des choses, permettez-moi de dire que tous les croyants, sans exception, tous les croyants sont des serviteurs de Dieu. Vous êtes serviteur de Dieu si vous êtes un croyant. Mais comment pouvons-nous nous évaluer, chacun d'entre nous, pas évaluer les autres, nous évaluer pour voir si on sert Dieu avec un cœur sincère, avec de bons motifs? Comment est-ce qu'on peut s'évaluer? Est-ce que la parole de Dieu nous donne un test, si je peux dire, un examen, une liste? Donc, je pense que dans le texte de Romains chapitre 1, versets 8 à 15, Paul nous donne 10 points ou 10 marques du véritable service spirituel. Et aujourd'hui, on va en voir que 3. Donc, première marque, premier point. Le véritable service spirituel est caractérisé par un esprit de reconnaissance. Un esprit de reconnaissance. Regardez au verset 8. « Je rends d'abord grâce à mon Dieu. » Par Jésus-Christ, au sujet de vous tous, de ce que votre foi est renommée dans le monde entier. Vous savez, s'il y a quelque chose qu'on apprend à propos de Paul ou qu'on remarque, c'est qu'il est toujours reconnaissant et constamment en train de remercier Dieu pour quelque chose ou pour quelqu'un. Savez-vous justement que dans toutes ces lettres qu'il a écrites, excepté la lettre aux Galates, dans toutes ces lettres qu'il a écrites, Paul remercie les gens. Il est toujours Ces lettres commencent toujours avec des actions de grâce. Et rappelez-vous, pourquoi Paul écrivait ces lettres-là? Il les écrivait pour la plupart du temps, majoritairement, pour corriger les églises, pour les reprendre, pour les enseigner, parce que les églises avaient des problèmes, et Paul va écrire une lettre pour déclarer la vérité, pour trancher par la parole de Dieu. Et pourtant, là où est-ce que Paul voyait le besoin de reprendre les églises, lorsqu'il voyait des troubles, peut-être des divisions, des fausses doctrines, des choses comme ça, constamment, il va commencer ses lettres en remerciant le Seigneur pour les gens pour qui il écrit. Paul avait un esprit de reconnaissance, un esprit reconnaissant. Il était toujours en mesure de voir les desseins de Dieu s'accomplir. Il était toujours en mesure de voir le royaume de Dieu avancer. Il était toujours en mesure de voir des gens sauvés. Il recherchait cela. Et il exprime ce qu'on retrouve dans le cœur de chaque croyant, de chaque serviteur de Dieu, une attitude de reconnaissance envers Dieu. Contrairement à certaines personnes, oui, qui se promènent à travers le monde et qui tout ce qu'ils trouvent, c'est ce qui ne va pas, souvent. C'est comme Thomas Hardy a dit. Thomas Hardy est un poète et un romancier. Il a dit, « J'avais un ami, vous pouviez l'amener n'importe où, dans n'importe quelle belle prairie verdoyante. Les arbres fleurissaient, les fleurs, les oiseaux. Et la première chose qu'il pouvait trouver dans cette prairie-là, c'était le fumier. Le tas de fumier. Peu importe où il était toujours comme ça. Il y a des gens qui, malheureusement, traversent la vie négativement comme ça. Il n'arrive pas à trouver les bonnes choses. Mais Paul, lui, exprime ses remerciements. Il dit, « Je remercie Dieu, pas les Romains, pour ce qu'il a fait pas pour moi, mais pour vous. Je remercie Dieu pour vous. » Il avait presque autant de joie pour le succès des autres que pour le sien. Et vous pourriez être intéressé de savoir où est-ce que Paul, dans quelles circonstances Paul a écrit cette lettre-là. Il était à Corinthe. Et vous savez ce qui se passait? Les gens voulaient le tuer. Les gens voulaient le tuer, encore une fois. Dans le chapitre 25 des Actes, verset 3, il est écrit, « Il préparait un guet-apens pour le tuer en chemin. » C'est fort lorsqu'on y pense. « Il préparait un guet-apens pour le tuer en chemin. » Des gens qui se sont arrêtés, ont réfléchi, organisé des choses pour enlever la vie de Paul. Mais Paul, ça ne le dérangeait pas. Il était capable de rendre grâce quand même. Il n'avait pas perdu sa perspective. Il savait ce qui était sur le chemin de Jérusalem aussi. Parce que partout où il allait, les gens, les prophètes, ne cessaient de lui dire que s'il s'y rendait, il serait mis au fer. Il serait fait prisonnier. Sa vie serait en danger. Mais ça ne le dérangeait pas. Il était reconnaissant. Reconnaissant pourquoi? Parce que Dieu leur avait donné un puissant témoignage de foi qui se propageait dans le monde entier. Leur témoignage était fort. En fait, leur témoignage était tellement fort, l'Église de Rome, qu'il y a des écrits historiques qui rapportent qu'en l'an 49, après Jésus-Christ, sous l'empereur Claudius, les Juifs avaient été expulsés de Rome parce qu'on pensait que tous les Juifs étaient des disciples d'un dénommé Christus, non nommé à Jésus, à Christ. Les disciples de Rome avaient alors un témoignage puissant qui, non seulement dans la ville, mais dans le monde entier. Donc Paul les remercie. Remercie Dieu, pardon, pour eux. Il était heureux, il était reconnaissant. Au milieu de sa détresse à lui, il était reconnaissant. Il était dans la joie. Car sa joie venait de quoi? Sa joie venait de l'avancement du royaume de Dieu et non de son propre succès, non de sa propre situation, non de son environnement. Sa joie provenait de l'avancement du royaume de Dieu. Quelle leçon pour nous, frères et sœurs, quelle leçon pour nous. Regardez ce qu'il dit au verset 8, « Je rends d'abord grâce à mon Dieu. » Les païens ne disaient pas ça, parce qu'il n'y avait pas d'intimité avec Dieu, avec leur Dieu. Les Juifs non plus ne disaient pas ça parce qu'il n'y avait pas d'intimité eux non plus. Mais Paul dit je remercie Dieu parce que pour lui, Dieu était autre chose qu'un concept théologique. Pour Paul, Dieu était un ami intime. Le Dieu à qui j'appartiens et que je sers. Il avait une intimité extraordinaire entre lui et Dieu. Et il le dit très souvent, « Mon Dieu ». Dans Philippiens, chapitre 1, verset 3, il dit, « Je remercie mon Dieu ». Dans Philémon, verset 4, « Je rends grâce à mon Dieu ». « Je remercie mon Dieu ». Il ressentait une réelle intimité. Et il était justement si intimement lié avec son Dieu que les buts de son Dieu, les motivations de son Dieu et les moyens de son Dieu sont devenus la source de ses actions de grâce. Je répète ça. Il était tellement intime avec son Dieu que les buts de son Dieu, les motivations de son Dieu et les moyens de son Dieu sont devenus les sources d'inspiration, les sources d'actions de grâce, la source de ses actions de grâce. Vous voyez, quand même, il était prisonnier. Il était dans cette prison puante, misérable. Et les prisons romaines, c'était spécial, parce qu'eux, il y avait des canaux fluviaux où le système d'égout parcourait le dessous de la ville, et même la ville. C'était moderne, Rome, à cette époque, et ça l'est encore. Et ce qui se passait, c'est que les prisons étaient en dessous de ça. Et lorsqu'il s'accumulait 40 prisonniers dans une cellule, dans le trou, si on peut appeler ça comme ça, ils ouvraient les eaux usées et ça tombait dans le trou et ça noyait tous les prisonniers. Donc, ils recommençaient, ils accumulaient jusqu'à 40 prisonniers et ensuite, ils les noyaient de nouveau. Et Paul, je ne sais pas s'il a vu ça, mais c'est à son époque ça. Et Paul était capable de rendre grâce à Dieu, malgré tout, qu'il a vécu ça. Il a vécu à cette époque. Malgré qu'il était captif dans sa maison à Rome, d'où il écrivait ses lettres, il était toujours rempli de joie parce que sa joie n'avait rien à voir avec ce qui lui arrivait. Quelle différence avec ce qui se passe de nos jours, n'est-ce pas? La joie de Paul n'avait rien à voir avec ce qui lui arrivait. Si sa joie aurait dépendu de ce qui lui arrivait, il aurait été triste le temps. Persécuté, lapidé, fouetté, naufrage. C'est spécial. Sa joie n'avait rien à voir avec ce qui lui arrivait. Frères et sœurs, un langage de reconnaissance, de gratitude vient de celui qui sert le Seigneur de son homme intérieur, du plus profond de son cœur, du fond de son être. Au verset 8, il est écrit, il dit, « Je rends d'abord grâce à mon Dieu par Jésus-Christ, toujours le médiateur, un seul médiateur entre Dieu et les hommes, n'est-ce pas? La seule façon, pardon, de venir à Dieu, c'est par Jésus-Christ. Nul ne vient au Père que par moi, Jean 14, 6. En dehors de Jésus-Christ, je vous préviens que Dieu ne serait qu'un feu dévorant. Si vous n'avez pas Jésus dans votre vie, c'est la colère de Dieu qui est sur vous, la Bible nous dit. La raison pour laquelle il est mon Dieu, c'est parce que l'intimité a été rendue possible par Jésus-Christ. La raison pour laquelle il est mon Dieu, c'est que l'intimité a été rendue possible par Jésus-Christ. Donc, Paul vient servir son Dieu par Jésus-Christ avec un cœur rempli de reconnaissance. Et remarquez, il dit, sa reconnaissance englobe tout le monde. Il dit, « Je remercie mon Dieu par Jésus-Christ pour vous tous. » Son cœur était vers chacun d'eux. Paul avait un grand cœur. Il ne recherchait pas ce qui n'allait pas chez les gens. Il n'était pas pointilleux, Paul. Il était simplement reconnaissant. Il était heureux de voir la foi de ses frères et sœurs. Et comprenez, pour vous, pour moi, si nous ne sommes pas heureux présentement, c'est probable, c'est peut-être parce qu'on pense qu'on n'a pas reçu ce qu'on méritait. On pense qu'on mérite mieux, et on ne l'a pas reçu, ça nous rend triste, ça nous rend... Et laissez-moi vous dire que si on aurait reçu, au contraire, ce qu'on mériterait, ce qu'on méritait, eh bien, ce serait l'enfer pour toujours. L'enfer pour toujours, c'est ce que la Bible affirme ici, là. « Je suis reconnaissant, dit-il, je suis heureux que votre foi soit renommée dans le monde entier. » Et cette joie-là, je crois que Jean l'exprime de ça, Jean, l'apôtre Jean, l'exprime lui aussi d'une autre façon. Et j'ai trouvé bon de vous la citer dans sa troisième lettre de Jean, chapitre 1, verset 4. Jean nous dit, « Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. » Et même si l'Église de Rome ne sont pas ses enfants, même si ce n'est pas lui qui est parti de l'Église de Rome, ce n'est pas lui qui l'a fondée, qui ne les connaît pas, il est dans la joie parce que ces croyants-là marchent dans la vérité. Ils ont une foi qui est connue dans le monde entier. Ne serait-ce pas merveilleux pour nous que notre foi soit connue dans le monde entier, n'est-ce pas? Certaines églises sont célèbres pour leurs pasteurs. Certaines églises sont célèbres pour leur architecture. D'autres églises sont célèbres pour leur haut plafond, pour les peintures qu'ils ont au plafond, pour les statues ou pour les verres, les vitres qui sont teintées, qui sont travaillées. Certaines églises sont reconnues pour leur art à l'intérieur. Certaines sont célèbres pour le cimetière qu'ils ont à l'arrière. Certaines églises sont célèbres pour leur chorale. Certaines autres sont célèbres pour leur argent ou pour les gens qui les fréquentent, les célébrités qui les fréquentent. Certaines églises sont célèbres pour leur théologie. D'autres sont célèbres pour leur fanatisme. Mais ne serait-ce pas merveilleux d'être reconnu en tant qu'Église pour notre foi dans le monde entier? Pas étonnant que Paul était reconnaissant. Un cœur reconnaissant est essentiel pour le service spirituel. Premier point. Et vous savez, il va toujours y avoir des raisons pour être reconnaissant. La gratitude, la reconnaissance est une attitude qui va toujours trouver une cause, une raison, toujours. Avez-vous un cœur reconnaissant? Avez-vous le cœur débordant d'action de grâce? Sachez que l'action de grâce, que la reconnaissance envers Dieu, l'attitude de gratitude enlève l'amertume ou toute pensée négative. La reconnaissance, mon cœur axé, mon cœur tourné vers Dieu, rempli de reconnaissance, enlève les pensées négatives et l'amertume. Tellement de raisons pour être reconnaissant. Et vous savez, le diable, lui, essaie de nous faire dire le contraire, essaie de nous faire croire le contraire. Il dit, ce qu'il nous dit, c'est pas comme Patrick, ce n'est pas comme t'aimerais que ce soit, n'est-ce pas? Ça pourrait être bien mieux, hein? Regarde-là. Et autant qu'à vous qu'à moi, il essaie de me faire croire ça. Et là, je dois prendre du recul. Et je dis un instant, il y a tellement de raisons pour lesquelles je peux être reconnaissant pour Dieu. Il y a tellement de raisons dans l'Église, pour les frères et sœurs, pour ce que Dieu est en train de faire dans leur vie et dans ma vie, pour lesquelles je peux être reconnaissant. Mensonge, Satan, mensonge. Deuxième point, je veux dire trois points. Le véritable service spirituel est caractérisé par un esprit de reconnaissance et par un esprit soucieux. Un esprit soucieux. Bien que Paul ait une profonde gratitude pour les Romains, il avait en même temps un souci pour ce qui n'était pas fait, pour ce qui restait à faire encore. Et vous devez avoir les deux, je vous dis, je crois. Bien sûr, nous sommes reconnaissants, mais on ne s'assoit pas simplement pour dire « Bien, il y a deux, trois bonnes choses qui se font, c'est merveilleux, mais les 85 autres choses qui restent à faire, qui ne sont pas faites, bien, c'est pas grave. » Ben non. On est préoccupé, on a un souci que ces choses-là s'accomplissent aussi, n'est-ce pas? On s'en préoccupe. Verset 9, regardez. « Dieu que je sers en mon esprit dans l'évangile de son Fils, mes témoins que je fais sans cesse mention de vous, demandant continuellement dans mes prières. » Il dit, « Je prie pour vous en tout temps. Ça va bien, vous autres à Rome, amen, mais je continue de prier pour vous, je me soucie de vous. » Mais vous n'avez aucun moyen de savoir que je me préoccupe de vous, que je prie pour vous. Donc, Paul va utiliser cette expression solennelle. Il dit, « Dieu est mon témoin, verset 9. Dieu est mon témoin. Puisque vous n'avez pas cette connaissance, cette omniscience, alors j'en appelle à Dieu. Dieu est mon témoin. Dieu connaît mon cœur. » Frères et sœurs, je vous suggère deuxièmement que l'esprit du vrai service spirituel est une préoccupation qui se retrouve dans la prière. Tout comme Paul, il dit, je prie pour vous continuellement, je me préoccupe de vous. Tout d'abord, un cœur reconnaissant et ensuite un esprit soucieux qui prie. Parce que le vrai service spirituel prie. Combien d'épîtres de Paul commencent par une indication dans ses prières que Paul se soucie de ses lecteurs? Il le fait encore et encore. Dans l'Épître aux Romains, il prie pour un groupe qu'il n'a jamais visité et jamais rencontré l'Église. Il ne l'a pas fondé, mais il dit, « Je ne cesse de prier pour vous, pour des gens qu'il ne connaît pas. » Et c'est une chose, c'est des croyants. Et leur foi est renommée dans le monde entier. Il dit, « Je vais poursuivre ma prière, je vais prier pour vous, constamment, continuellement. » Donc, Paul ne prend rien pour acquis. Il ne s'est pas dit en entendant ce qui se passait à l'église de Rome, il n'a pas dit, bon, cette église va bien, leur foi est renommée dans le monde entier, je suis tellement reconnaissant, Seigneur, pour ce que tu fais dans cette église, ben, réélève ma liste, on passe à une autre. Non, il s'en préoccupe. Il continue à prier pour eux. Ne le connaissant pas, l'église de Rome, ne connaissant pas Paul, étant loin, les Romains ne pouvaient pas connaître les préoccupations de Paul, à moins qu'ils ne le leur disent. Et peut-être qu'ils ne le croiraient pas, sauf qu'il fait appel à l'omniscience de Dieu. Dieu est mon témoin. Celui que je sers en mon esprit dans l'évangile de son Fils, c'est lui. Je suis en ligne avec Dieu pour vous dire que je le prie pour vous. Il en appelle à l'omniscience de Dieu. Le Dieu qui ne peut mentir. Le Dieu qui connaît les secrets du cœur, qui connaît les motivations cachées, qui connaît mes motivations cachées. Que Dieu soit mon témoin, que je prie pour vous constamment, continuellement. Quel témoignage il nous donne. Si vous avez une classe de personnes que vous enseignez peut-être, pouvez-vous dire, je rends continuellement grâce à Dieu pour vous. Je rends continuellement grâce à Dieu pour vous. Je prie pour vous. Paul veut faire connaître aux Romains que son défaut de les visiter à Rome, ce n'est pas dû à un manque de désir de sa part. Ce n'est pas dû à un certain manque d'intérêt ou à une certaine indifférence. Non, il dit, je prie pour vous. C'est une caractéristique du vrai serviteur, d'un vrai cœur de serviteur. Dans Éphésiens chapitre 6, verset 18, il est écrit, il dit la même chose, Paul, il dit, « Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. » Et qu'est-ce que Paul a prié pour les Romains? « Seigneur, il y a un d'eux qui a mal à la cheville, guéris-le. » Non, c'est pas ça. « Seigneur, à l'église, ils voudraient changer leur tapis, alors peux-tu pourvoir? » Non, c'est pas ça que Paul a prié. Seigneur, je prie pour l'Église romaine, ils ont besoin d'ajouter une porte, ils ont besoin d'ajouter une fenêtre. Non, ce n'est pas ça que Paul priait dans ses prières. Qu'est-ce que vous pensez que Paul priait? Alors, on va regarder rapidement quelques prières ensemble pour voir quel genre de prière Paul adressait à Dieu pour les Églises. Regardez Éphésiens chapitre 3. Et je vais vous lire les prochains versets dans le français courant afin que ce soit plus compréhensible pour nous. Les prières de Paul. Éphésiens chapitre 3, verset 14, nous dit, c'est une prière typique de Paul. À cause de cela, je fléchis le genou devant le Père. Verset 16, je lui demande que, selon la richesse de sa grâce, il fortifie votre être intérieur par la puissance de son esprit et que le Christ habite dans vos cœurs par la foi. Je demande que vous soyez enracinés et solidement établis dans l'amour pour être capables de comprendre avec l'ensemble du peuple de Dieu combien l'amour de Christ est large et long, haut et profond. Oui, puissiez-vous connaître son amour, bien qu'il surpasse toute connaissance, et être ainsi rempli de toute la richesse de Dieu. Voilà toute une prière, n'est-ce pas? Une prière chargée, une prière forte. Priez pour que vous soyez fortifiés par l'Esprit Saint, il prie. Que Christ s'installe chez soi et soit chez lui dans votre cœur. Que vos racines soient plongées dans l'amour. Que vous connaissiez l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance. Que vous soyez solidement établis dans cet amour. Qu'il vous rende capable de comprendre qu'il peut faire infiniment au-delà de tout ce que vous pouvez demander ou penser. Voyez, tout ce que Paul demande est spirituel. Tout ce que Paul demande dans ses prières est spirituel. Au chapitre 1, verset 9 de Philippiens, il dit, « Est-ce que je demande dans mes prières? » Oui, qu'est-ce que tu demandes, Paul, dans tes prières? Il dit, « Que votre amour grandisse de plus en plus, qu'il soit enrichi de vraies connaissances et de compréhension parfaite, pour que vous soyez capable de discerner ce qui est bien. Ainsi, vous serez purs et irréprochables au jour de la venue du Christ. » Verset 11, « Vous serez riches des actions justes produites en vous par Jésus-Christ à la gloire et à la louange de Dieu. » Colossiens, chapitre 1, verset 9, il prie de nouveau. Et il dit, « C'est pourquoi nous ne cessons de prier pour vous depuis le jour où nous avons entendu parler de vous. Nous demandons à Dieu de vous faire connaître pleinement sa volonté grâce à toute la sagesse et l'intelligence que donne son esprit. Ainsi, vous pourrez vous conduire d'une façon digne du Seigneur en faisant toujours ce qui lui plaît. Vous produirez toutes sortes d'actions bonnes et progresserez dans la connaissance de Dieu. Nous lui demandons de vous fortifier à tout égard par sa puissance glorieuse, afin que vous puissiez tout supporter avec patience. Remerciez avec joie Dieu le Père. » Vous regardez les prières de Paul, les quelques exemples que je viens de vous lire, et vous voyez que tout le contenu, encore une fois, est spirituel. Il priait, finalement, lorsqu'on regarde les prières de Paul, pour que leur cœur soit tricoté avec celui de Dieu. Paul priait pour que nos cœurs soient tricotés avec celui de Dieu. Il a prié pour leur connaissance, ils connaissent la volonté de Dieu. Il a prié pour leur obéissance, qu'ils puissent obéir à Dieu. Il priait pour eux. Donc, il a servi avec un cœur sincère, avec un cœur véritable, avec un esprit de reconnaissance et avec un esprit soucieux qui se préoccupait de ces gens-là. Il priait pour eux. Permettez-moi de vous donner un troisième point, un dernier point aujourd'hui. Un esprit de bonne volonté. C'est tellement bon. Verset 10. Demandant continuellement dans mes prières. Qu'est-ce que tu demandes, Paul? D'avoir enfin, par sa volonté, le bonheur d'aller vers vous. C'est ça l'esprit de bonne volonté, je vais expliquer. Personnellement, j'aime voir quelqu'un qui, lorsqu'il prie, demande s'il peut faire partie de la réponse à sa prière, de la solution. Avez-vous compris ça? Un vrai cœur. Il n'y a pas seulement, Paul n'a pas seulement prié, mais il priait s'il pouvait faire partie de la solution, de la réponse à sa prière. Seigneur, c'est facile de prier pour que les autres fassent de quoi? Hein? Seigneur, envoie quelqu'un pour mon voisin. Envoie quelqu'un là. Peux-tu répondre à ça? La clé, c'est de vouloir faire partie de la solution. Un esprit de bonne volonté. Vouloir faire partie de la solution. Ésaïe a dit, me voici, Seigneur, envoie-moi. Me voici, Seigneur, envoie-moi. C'est facile de prier pour que les missionnaires atteignent les gens outre-mer, et il faut le faire. Mais je dis, c'est facile de prier pour ça. Mais c'est beaucoup plus difficile de prier pour que quelqu'un atteigne mon voisin, n'est-ce pas? C'est difficile. Très difficile. Vous savez, Dieu le sait lorsque je prie en toute sécurité, lorsque ça ne m'implique pas. Dieu le sait, ça. Et il sait lorsque je prie avec un esprit de bonne volonté. Vous priez, Seigneur, je désire que ce soit fait, et si le besoin est, je vais le faire. Je vais m'impliquer dans ça. Et ça, ça donne du mordant à votre prière. Paul a prié avec un esprit bien disposé. Il a prié avec sacrifice. Il dit, « Je ne veux pas seulement prier pour vous, je prie que Dieu m'envoie vers vous, afin que je puisse vous donner ce que vous avez besoin. » Première des choses, on a vu, celui qui a les marques du vrai service spirituel, on en a vu trois, un esprit de reconnaissance, un esprit concerné, soucieux, préoccupé par les gens, qui prie, et un esprit de bonne volonté, qui veut s'impliquer, qui veut faire partie de la solution, de la réponse dans la prière. Voilà les marques frères et sœurs d'un vrai service spirituel, d'un vrai serviteur de Dieu. Maintenant, ce que vous devez faire, ce que je dois faire moi aussi, c'est d'examiner votre cœur. Vous devez examiner votre cœur, je dois examiner le mien, pour voir si ces marques font partie de ma vie, de mon service. Et je peux vous dire qu'en préparant ce message, Dieu m'a parlé, et il me parle encore. Et j'espère que ça va être la même chose pour vous, qu'il va commencer à vous parler à travers ces passages-là, dans les semaines qui vont venir et les mois qui vont venir. Et ce n'est que le début, n'est-ce pas? Parce qu'on a vu trois points, j'ai dit qu'il y en avait 10, donc il en reste 7 à venir. Mais là, je ne veux pas que vous soyez intimidés par ces points-là, puis oups, c'est pas de ma vie, tout ça. Dieu me parle à moi aussi, n'est-ce pas? C'est pas facile, là. Dieu me dit la même chose que vous. Et je peux vous dire, c'est merveilleux ce qu'il est en train de me dire, et c'est merveilleux ce qu'il est en train de faire dans ma vie, à travers ces passages. Du plus profond, Paul a servi dans son esprit. Du plus profond de son cœur, il était engagé à servir Christ. Je vais terminer en vous racontant une histoire, l'histoire de Isidore. Il y a une vieille histoire à propos de Isidore. Isidore était considéré comme le saint patron de Madrid, en Espagne. Le 15 mai, je pense que l'Église catholique fête encore, il y a un festival lié à Isidore, justement. Et il y a une histoire intéressante à propos de ce supposé personnage. Isidore était un serviteur dans une ferme agricole et il sortait toujours pour travailler, pour servir. Mais dans l'ensemble de son service, il pensait toujours au Seigneur, constamment. Il donnait toujours toute la gloire au Seigneur. Et il avait toujours ce cœur immense rempli de reconnaissance. Il passait son temps dans la prière. Il était complètement branché, connecté avec Dieu. Tout ce qu'il faisait était le service spirituel, servir Dieu dans son esprit. Selon l'histoire, même lorsqu'il labourait les champs, c'était l'œuvre du Seigneur. Mais ça irritait les autres ouvriers agricoles, parce qu'il arrivait toujours en retard pour labourer, pour faire son travail. Et finalement, les autres ouvriers, le patron, tout ça, l'ont rencontré et ils lui ont dit, « Isidore, tu es toujours en retard pour labourer. Et nous sommes ici travaillant depuis longtemps avant que tu n'arrives. » Et Isidore a répondu, « C'est peut-être vrai que je suis en retard à mon travail par rapport à certains autres travailleurs, mais je fais de mon mieux pour rattraper le retard en m'appliquant. » « Pourquoi es-tu en retard, Isidore? Eh bien, je passe mon temps dans la prière et je vous demande de comparer mon travail avec les autres. Et si je vous ai escroqué le moins du monde, je vais vous faire amende honorable et vous prendrez une partie de mon salaire pour vous payer. » Eh bien, le maître à qui il parlait était silencieux, mais pas satisfait de la réponse d'Isidore. Il a décidé de voir par lui-même si Isidore travaillait pour ce qu'il avait perdu ou pour ce qu'il avait été en retard, s'il travaillait en double, s'il s'appliquait vraiment. Et le lendemain matin, il s'est caché à l'endroit où est-ce que Isidore avait été travaillait. Et bien sûr, tout le monde travaillait et Isidore est encore en retard. Et le maître, le patron, fut indigné et résolu de réprimander et de couper le salaire en partie de Isidore. Et alors qu'il sortait, Isidore a commencé à travailler, et c'est là qu'il a vu qu'il était en retard, tout ça. Et alors qu'il sortait de sa cachette, il fut arrêté par une étrange vision. Dans la lumière du soleil, il vit une paire de bœufs blancs, tirant une charrue tenue par un ange qui labourait le champ d'un bout à l'autre du champ, créant ainsi le sillon le plus droit qu'il n'avait jamais vu. Le patron s'avança vers Isidore, qu'il voyait s'inclinant sur sa charrue, avançant. Et les bœufs qu'il avait vus, c'était en arrière. Eux étaient en arrière et ils redressaient le sillon. Donc, le patron s'avança vers Isidore et il lui demanda, « Qui sont donc tes collaborateurs? » Le laboureur, surpris, lui dit, « Monsieur, je travaille seul, je n'ai aucun assistant. » Et la tradition vient de cette histoire. Autrement dit, celui qui laboure avec Dieu dans son cœur a Dieu pour assistant. Celui qui laboure avec Dieu dans son cœur a Dieu pour assistant. L'histoire est fictive, n'est-ce pas? Mais le principe est vrai, là. Je préfère servir avec un cœur pur et que Dieu fasse les labours, que servir dans la chair et que ce soit externe et que ce soit pour les yeux, pour le bien paraître. Je sers mon Dieu en mon esprit ou par mon esprit. Revenez la prochaine fois, mes amis, frères et sœurs, pour voir ce que Dieu va nous enseigner dans le prochain chapitre. On va terminer en priant. Bon Père du ciel, oui, nous te sommes reconnaissants encore une fois de ce que tu nous parles, c'est tellement bon, de ce que tu agis dans nos vies, de ce que tu veux nous transformer à l'image de ton Fils. Merci pour nous montrer que Paul, notre modèle, avait un esprit de reconnaissance, qu'il avait un esprit soucieux, qu'il priait pour les autres et qu'il avait un esprit de bonne volonté. Il voulait s'impliquer. Il ne faisait pas simplement prier, Seigneur, tu nous dis de vouloir nous impliquer. Finalement, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour les autres. Et Paul, encore une fois, nous le démontre, qu'il était soucieux, qu'il s'impliquait, qu'il voulait parler à ses Romains, il voulait être avec eux. Une lettre, ça ne suffisait pas. Merci pour la chaleur de cet homme, Seigneur, pour le cœur, son cœur qu'il a ouvert pour nous aujourd'hui, afin qu'on puisse voir le vrai service spirituel. Et nous désirons, Seigneur, te servir en esprit et en vérité, nous aussi. Tu as fait de nous tes serviteurs, et nous voulons bien te servir, toi, notre bon Dieu, notre bon Papa du ciel. Alors sois béni et tire-en toute la gloire, Seigneur, par ton Esprit qui agit en nous. Amen. Amen. À la prochaine.